我希望你们还是这样的，就是来这个方面，会不会更好一点？ Question intéressante. Le suicide, c'est toujours une influence qui vient d'un plan astral inférieur. Ça va mal, t'as perdu ta maison, t'as perdu ta femme, t'es découragé. Mais qui c'est qui amplifie ton découragement? Le suicide, c'est toujours une question d'amplification. Parce qu'il y en a bien des gens qui perdent leur femme et leur maison, puis qui se suicident pas, qui ont des faillites en affaires. Mais si moindrement une personne est influencée de l'astral inférieur, là, le suicide devient une relation vibratoire entre eux autres et toi. Et aucun homme, il n'y a pas un ego qui se suicide. L'ego ne se suicide pas. Puis la preuve que l'ego peut même pas se suicider. Parce que l'ego est en relation avec l'âme. L'âme ne permettra jamais qu'un ego se suicide. Seulement que si l'esprit de l'ego est affecté ou infecté par un autre esprit, l'autre esprit a plus de pouvoir sur l'ego, parce que l'autre esprit va passer par l'astral de l'ego, tandis que l'âme passe par ici. Comme ça, c'est pas développé encore. C'est l'astral qui va gagner. Autrement dit, c'est le gars qui est sur l'autre plan qui va l'influencer. Tandis qu'un homme qui est en contact avec l'âme au niveau, c'est-à-dire, peut jamais se suicider, qui passe les plus grandes souffrances. Moi, j'en suis un exemple. J'ai vécu le martyr mental, mais jamais j'ai bluffé. Je me disais, si vous arrêtez pas, m'a mis scouné, puis eux autres, c'est rien. Ils rient. Parce qu'ils savent que tu peux pas, parce que c'est eux autres qui runnent le show. Mais si l'homme n'a pas en connexion avec ce plan-là, à ce moment-là, tu perds, t'es réellement dans une situation difficile, où ta résistance psychologique est affaiblie, c'est là qu'eux autres rentrent, c'est là que tu suicides. Est-ce que tu peux avoir un déclic à un moment donné, puis dire, bon, parce qu'il y en a qui ont décidé de suicide, mais que finalement... Ouais. C'est parce que l'influence est passée par. Parce que si l'influence devient forte, t'as plus de déclic. Bon, ben, tu peux rien. Une personne peut arriver à un moment donné à avoir un déclic, puis... Le gars, là, qui a tiré de patte, là. Mm-hmm. C'est... Il y en a un autre, là. Faut pas celui-là. Il y en a un autre en Angleterre, là, qui est... The Ripper, là. L'an passé, là. Ouais. Celui qui est... Ouais. C'est à quoi ça répond? Il disait, un jour, il travaille dans le cimetière, là, c'est ça? Il dit, un jour, Dieu, il a dit qu'il fallait qu'il nettoie. Mm. Oh, Dieu! Ah, ben, il y a un peu. La voix de Dieu, t'entends la voix de Dieu, Charlie, tu comprends pas, tu comprends? Grand boss. Ouais. Ça, c'est comme ceux qui se font parler par le Christ. Grand boss. Le Christ te dit, tu connais tout le monde, tu dis, gars. Charles Branson, pareil, c'est pas un peu Dieu. Ah, lui aussi. Mm-hmm. Charles Branson? Non, c'est lui. L'acteur? Manson. Manson. Manson. Ah, c'est tout le Dieu qui parle. C'est une vieille. C'est un vieille. Oui. Ça va, loin. Et ça ne me fait pas en confusion, lui, dans le fond. Il était là parmi le monde des esprits, mais... Ah, ben, lui, ouvert ses centres, il était à la fenêtre de la messe noire. Ouais. Tu comprends, tu commences à lire la messe noire, mais tu es où que tes centres? T'as de la messe noire un peu. Non, t'es en relation avec ces entités-là. Ils font passer n'importe quoi. Faut pas, tu sais, quand je parle, je reviens d'où ces influences, hein, j'en suis névrosé. Dans notre domaine, dans le domaine de l'ouverture de l'esprit de l'homme sur d'autres plans, tu comprends, faut que tu fasses attention. Faut que tu saches avec qui tu parles, Charles. Oui, Miguel, il est arrivé, là, dans ses conférences. J'ai mis des points dans les conférences. Ouais. Miguel, d'ailleurs, Miguel avait une grande expérience en passé, 3 ans. Ça nous rappelle son expérience. Chacun a son expérience. Ouais. Faut qu'on soit extrêmement intelligent. Puis être intelligent, c'est être sûr de soi. Avoir du discernement. Sûr de soi. Quand t'es pas sûr de toi, là, c'est parce que tu manques d'intelligence. T'as l'autre frustration, c'est pas capable de se servir de son intelligence. Quand on se dit, garde-moi ça, je ne peux pas servir mon intelligence. En était l'autre frustration, c'est Et là, elle ne se manifeste pas. L'énergie passe pas. Ça crée une frustration. Je comprends. On commence un peu à toucher le mouvement. Tu sais, quand t'arrives quelque chose, un téléphone. Suis, ah, ben, je vais suivre. Comment ça sentit le mouvement? Ouais, tu sens. Pour une peinture cette semaine, il y a une dame qui appelle, puis c'est collectif, elle a fait un cadeau. Puis là, que je peigne une scène avec un taureau, puis un homme de karaté. Celui qui est bien méchant, je ne sais pas de nous. Je parle de la mémoire, c'est des Puis le mouvement, puis l'entourage, puis c'était une copie, puis moi, je me reproduis pas. Quand je fais une page, je me dis, là, je la fais, là, par vibration. Parce que je peins pas tout le temps, moi, je peins bien, t'as discret, je suis lourd, je peins, c'est pas, je suis pas comme ça. Mais... J'ai un mouvement, je suis là, puis je commence à bien. Puis là, quand je regardais l'image, je me disais, ben, OK, il me l'avait fait à pied, elle est venue porter son livre, elle veut que je fasse ça. Puis je regardais ça, mais les couleurs de violence qu'il y avait autour de ça, l'animal et l'homme, la domination qu'il y avait dans ça, hein, c'était un taureau, qui, l'animal dominant, et le, c'est ça, moi, des portes. Puis je regardais l'entour, je me disais, bon, donc, si je vais le faire, je vais le faire. Fait qu'elle dit, je vais donner une réponse si les gens acceptent de pour faire une collecte. Oui, que tu fais. Je dis, d'accord. Ça a pris deux jours, puis après, elle me dit non. Laisse faire, c'est cancellé, ça marche pas, puis d'un coup, là. Dans le fond, je voulais pas le faire, mais si le mouvement était assez pour, là, mais ça n'aurait pas répondu. Ça n'a pas coïncidé avec ta vibration. Ouais. Ça y est, le mouvement, tu l'as Parce qu'il y a un mouvement que tu découvres. Ouais. Sans ça, tu vas te bloquer tout le temps. Tu fais le mouvement. Ça prend bien les choses. Bon, puis ça, c'est ça. C'est ça. Tu commences à être. Faut apprendre à faire les mouvements. Puis il dit que si les gens... D'ailleurs, avec le temps, les gens deviennent sensibles au mouvement, là. Puis quand tu deviens bien, ça va loin l'affaire du mouvement. Ouais. Le mouvement, là, ce qu'on appelle le mouvement, c'est la relation vibratoire entre l'âme et l'ego. Puis plus tu es sensible à l'âme, plus tu sens le mouvement. Plus tu sens la relation vibratoire entre l'âme et l'ego. Puis c'est, ça va, là, ça devient tellement subtil, là, que il peut se, il, le mou, tu peux avoir un mouvement, là, que c'est, il faut absolument que tu fasses ce mouvement. Tu viens de balancer une vibration. Puis quand t'es dans le mouvement, là, quand t'es dans la vibration de l'âme tout le temps, tu peux jamais être frustré parce que t'as toujours quelque chose à faire. Même si c'est ça. Comment? Tu viens de faire quelque chose? C'est bien vrai ce que je dis là. Ça va très loin. Pardon? Non, ben ça balance les énergies. Non, mais faut pas que ça soit trop. Ah, ça c'est intéressant. Ouais, ça devient okay. L'énergie de l'âme dans l'ego est pas toujours créatrice. L'énergie de l'âme dans l'ego, elle est créatrice seulement quand l'âme doit créer pour créer à l'extérieur de l'ego un mouvement. Mais peut être informatrice. Ouais. Informatrice. C'est ça. Informatrice. Quand l'âme devient informatrice, là, c'est plaisant. Mais le mouvement de l'âme dans l'ego n'est pas toujours créateur. Souvent, d'ailleurs, la plupart du temps, le mouvement de l'âme dans l'ego est purement vital. Puis s'il n'y a pas de balance entre le vital et le créateur, à ce moment-là, tu peux être débalancé. Il y a des gens qui sont toujours dans le mouvement créateur, mais ils sont jamais dans le mouvement vital. Fait que, autrement dit, éventuellement, ça marche trop, ce patate-là. Faut que ça se repose, cette affaire-là. C'est une illusion, ça, de penser qu'on doit toujours créer pour avancer. C'est une très grande illusion. Oui. Très grande illusion. Moi, là, quand je donne des séminaires en fin de semaine, là, lundi, je fais jamais rien. Pas parce que je veux rien faire, parce que si j'avais à faire quelque chose, je le ferais. Mais je fais absolument rien. Puis mardi, je fais absolument rien. Mercredi, je commence à faire quelque chose. Mais lundi, je fais rien. Je vais au vie avec ma femme. C'est notre journée de sortie automatiquement. Ça rentre dans le mouvement. Sans ça, je ferai toujours dans le créateur, créateur, créateur, créateur. Je ferai rien avec ma femme. Je l'amènerai pas chez Tom. Elle dit, oui, tu m'amènes pas chez Tom. Comment? Fait que je balancerai pas le créateur avec le vital. Fait que ma femme, elle souffrirait de mon état de mental. Pas bon. Faut que ma femme s'amuse aussi, ou je devrais être seul pis célibataire. Puis il est bien important, ce cas-là, pour les hommes pis les femmes. Parce que quand tu deviens créateur, ça, ben, je suis content que tu demandes ça. Quand t'es inconscient, c'est ce qui arrive. Quand t'es inconscient, t'as des gars, là, c'est toute la patate, là, ça travaille le soir au bureau. Il vient un point, j'ai oublié de faire. C'est de la compagnie. Puis la compagnie, puis les parties de compagnie, puis les conventions de compagnie, puis les voyages de compagnie. La femme, éventuellement, elle vient qu'elle a plein de cul. Le gars, il s'en va en Floride, il réussit à avoir les petites deux semaines en Floride, là. Bon. Puis la compagnie, il l'appelle, faut qu'il retourne à New York, tu sais. Ça arrête pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de balance entre le vital et le créatif. Ça, c'est une très grande faute de l'ego. Ça, c'est le cas de désir. C'est le manque de discernement. Mais est-ce que tu ne deviens pas responsable? C'est l'incapacité de vivre la frustration. Vibratoire. C'est pour ça que c'est important, la frustration vibratoire. Parce qu'un jour, quand tu l'as connue, cette affaire-là, puis tu la vis, la frustration vibratoire, là, tu fonctionnes, ça marche. T'as pas de frustration. Là, tes goûts s'arrêtent, là. Là, t'as plus de frustration non plus, même dans le repos de temps. Fait que t'as rien à faire, tu fais rien. Tu t'en vas avec ta femme sans blage, tu fais rien. Y a rien, ça marche plus, ça, ici. C'est arrêté. T'es dans le vital. Il faut que tu aies une balance entre le vital et le créatif. Puis l'âme va vous amener à ça. Puis au début, ce qui arrive, c'est que la vibration mentale est tellement forte que tu veux créer, puis tu veux monter, puis tu veux construire, puis tu veux être 200 000 à l'heure. Mais éventuellement, ils vont vous amener par la patience à pouvoir aussi rien faire, parce que la créativité de l'âme, elle est active soit dans le créatif ou soit dans le vital. Dans le vital, elle va être créative au niveau de ta santé physique, ton repos, tes organes. Puis dans le mental, dans le créatif, elle va balancer les vibrations au niveau du mental supérieur. Fait que tous tes centres sont balancés. Mais tu peux pas tourner dans le mental, faut que tu décroches de temps en temps. Tu peux pas tourner dans le vital, parce qu'il faut que tu crées de temps en temps. Puis l'équilibre entre le mental, puis le créatif, puis le vital, en relation avec l'âme, c'est essentiel. Sans ça, vous allez vous brûler. Il dit qu'il faut savoir ne rien faire et ne pas souffrir. Savoir rien faire. Ouais. Il faut savoir rien faire. Ouais. Puis ne pas souffrir. Et ne pas souffrir. Il dit pas être capable de rien faire. Savoir rien faire. C'est une science de la psychologie de l'âme. Quand tu sais rien faire, ça veut dire que tu sais que tu dois arrêter parce que c'est balance tes vibrations au niveau vital, puis ça te permet de conserver ton corps matériel. Tu balances. Conserver tes organes. Ouais. Tu régénères ton énergie. Comme ça, tu ne travailles pas à compagnie pour la compagnie 45 heures par semaine, puis on a une crise cardiaque à 45 ans. À cause de ton devoir. Là, tu es à l'écoute. Ouais. Tu peux pas être autrement qu'à l'écoute. Quand tu es rendu de même. Fait. Quand tu parlais de créativité, Bernard. Parce que c'est subtil, là, cette vibration. Comme moi, je sais que je fais la soirée, là. Je rentre. Quand je rentre, j'ai bien l'énergie commencée à faire la soirée. Puis après ça, ça tombe l'énergie. Moi, je le vis, moi, quand ça tombe l'énergie. Fait que là, je tombe dans le vital, je me repose un petit peu. Avant, ça me fatiguait, parce que d'avant, j'allais plus parler que le gars. Mais là, il faut descendre, là, je me repose un petit peu. Après ça, je remonte. Vous remarquez que ça remonte, ça, ça. Oui. Je vais dans le vital créatif, Fait comme ça, je me brûle pas. Moi, je m'ai couché à 6 heures le matin. J'ai travaillé hier, j'étais bien occupé. Fait que je continue à parler, mais sans ça, tu te brûles. Tu peux pas. Puis il dit que c'est dur d'en arriver à... Oui, c'est dur. À vivre l'équilibre. On a commencé à parler, moi, des jeunes ensemble. À un moment donné, je me souviens plus ce qu'on disait, mais en tout cas, ça dit quoi? Là, je dis, je cours. Mais non, je veux savoir, t'es parti, je veux savoir. Oui, moi, mon ego, j'aurais voulu poursuivre. C'est pas le temps. J'arrête. Puis je commence à une fois. C'est donc la frustration, Arrête! Mais là, je sentais à moi que j'aurais voulu poursuivre, que je t'ai monté, puis ça va brancher, là. Ben, c'est le fun. Ça marche. Ah, oui, là, ça marche. Ah oui, ça marche. Parce que dans la vitesse, c'est pas le fun de rien. Ouais. Ben, là, c'est intéressant. Subtil. Ah oui. Tu me prends de la créativité. Est-ce que tu ne deviens pas responsable de ce que tu crées? Quand tu crées consciemment, quand tu crées consciemment, tu crées consciemment. Quand tu crées consciemment, tu peux jamais te détruire. Fait que tu es toujours responsable. C'est ça. Tu es responsable. Non, fais attention. Non, c'est pas être responsable de quelque chose dans le sens de la qualité de responsabilité découle du fait que tu es conscient. Mais tu te sens pas responsable. Non. Mais la qualité de responsabilité, autrement dit, l'équilibre en ce que tu fais, puis ce qui est donné, la qualité de responsabilité découle de ta conscience. Parce que si tu commences à penser des responsabilités, mais là, tu commences à penser à des attitudes, c'est pas bon. C'est ça, c'est au niveau de l'ego. Ouais. Moi, si Glenn me demande toujours à la télévision, j'en parle pas, c'est moi qui me demande toujours sur l'avortement, j'en parle pas. C'est pour empêcher de créer des remous pour rien. Ça, c'est la qualité de la responsabilité de la conscience. Ça fait partie de la perfection de la conscience. Mais moi, je veux pas commencer à me sentir irresponsable d'en parler ou de pas en parler. Moi, je suis vide. Tu sais que tu dois pas. La vibration arrête, ça fait gaffe. Si tu veux pas en parler, dis non, ça arrête. Responsabilité, pas de responsabilité, ça n'existe pas. Mais la qualité de la responsabilité envers l'homme, les gens qui seraient à vous verser, est maintenue. Et ça, ça revient au fait que quand tu fais quelque chose créativement, c'est pas toi qui es responsable de ce que tu fais. Tu canalises l'énergie. Ah, oui. Sans ça, si t'étais responsable de tout ce que tu fais, t'as les épaules et pèses de l'eau. Je commençais à m'inquiéter du monde qui passe par des changements vibratoires puis qui capote, puis qui sont sur le point de capoter ou qui ont peur de capoter, puis je dis là, bon, tout d'un coup, lui, il capote, puis d'un coup, elle capote, mais je ferais rien, vierge. Il faudrait que je chante l'affaire de la responsabilité, l'illusion mentale ou psychologique de l'ego envers la responsabilité. Je pourrais pas faire ce que je fais. Tu détestes. Je serais toujours inquiète. Je dirais, bon, mais elle est correcte, je peux y parler. Lui, il est correct, je peux y parler. Elle est pas correcte, je peux pas y parler. Fait que là, j'empêcherai automatiquement les personnes de passer par leur expérience. Tu donnes, mais tu détaches du résultat. C'est plus ton affaire. En somme, c'est... Quand tu donnes, consciemment, t'es détaché de ce que tu fais. Ta conscience te permet de savoir que ce que tu fais, c'est ça. Est-ce que tu Ça passe, c'est correct. Ça passe pas, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie. Sans ça, tu pourras pas. Le gars qui s'est suicidé, là, parce qu'il lisait mes textes, je commençais à me sentir les épaules grosses de même. Voilà. Surtout quand je les ai avertis de pas lire mes textes. Si les gens m'écoutent pas. C'est pas ton problème. Quand je parle au monde, les gens, ça rappelle plus. Fait que c'est, on sait. Quand tu lis mes textes, c'est pas bon. Quand quelqu'un est fatigué? Oui, mais comment fatigué? Ça, pas d'énergie. Non. L'ego est frustré comme en résultat de ça, parce qu'il comprend pas qu'il y a rien à faire. Si la personne n'a rien à faire et n'a pas d'énergie, elle devrait pas s'en faire. À ce moment-là, elle serait pas frustrée. Mais si elle s'en fait, ben elle va être frustrée. D'abord, plus vous conscientisez, plus vous perdez votre énergie. Parce que plus elle monte ici. Je l'ai déjà dit, ça, je suis sûr qu'il y en a des hommes qui sont moins forts que les femmes. N'est-ce pas des hommes qui se sentent moins forts? Ouais. C'est normal. Je pensais que c'était à 50 ans, puis à 20 ans. Parce qu'avant, vous boostiez astralement, mais une fois que l'astral change, tu peux plus te booster astralement. Fait que t'es moins fort. Tu peux plus faire des runs d'autobus aussi longtemps. Les voyages commencent à être longs. Hein? J'ai hâte de finir, oui. Mais quand tu comprends ça, tu t'en fais pas. Quand c'est bien bien souvent, c'est parce que votre santé n'est pas très forte. Puis vous devez prendre saisie. Ça vous protège. Je vais vous dire une chose. Il dit qu'avec notre meilleure volonté au monde, on est sans dessin. Avec notre meilleure volonté au monde, on est sans dessin parce que on réalise pas la relation entre eux autres et nous. Fait qu'on se blâme tout le temps, nous autres. Puis là, on remplit notre situation. On la remplit. On est où, je dis? D'abord, il n'y a pas de raison pour vous de vous casser la tête. Pas de raison. Parce que même si vous n'avez pas la force, la résistance, pour mener des grosses affaires, vous avez assez d'énergie intérieure pour vivre une vie plaisante, calme et saine. Vous voyez où vous voulez? Accrochez-vous à ça puis vivez ça. Mais ça va vous forcer à vivre la vibration, la frustration vibratoire. Puis après ça, bien, vous allez vivre une petite vie plaisante, saine et calme, ça va être bien. Vous allez être bien. Sans ça, vous allez vous concentrer, vous voyez? C'est comme un warning signal. Quand il t'empêche, quand il te l'enlève, ton énergie, comme des fois, vous êtes après à conduire, ou on fait quelque chose, tout d'un coup, là, vous sentez fatigué, tout d'un coup. Une fatigue, là, tout d'un coup, là. Ça veut dire, va te coucher, Charles. Repose-toi, arrête. C'est sûr qu'il va faire. Il est pogné à toi, 3 heures après-midi, il y a une fatigue. T'es au bureau, une fatigue. Mais t'es pas supposé être couché au bureau, d'après. Ça te donne des dents. Mais si t'étais chez vous, le mouvement naturel serait d'être couché. Mais on vit toujours en dehors de notre mouvement naturel. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, demandez-vous pas pourquoi les gens sont malades. Parce qu'on vit dans la foi. C'est pour ça que les gens sont malades. Ils disent sans ça, les gens seraient pas malades demain. Moi aussi, je viens un peu. Vous savez, je manque d'énergie pour faire ce que je voudrais faire. C'est-tu légal? Je viens de vous le dire, c'est pas légal. C'est des chargements vibratoires au bout du corps astral. Plus vous allez aller, plus ils vont vous mettre la mettre à terre. Fait qu'il est temps que vous compreniez que c'est bien naturel. Pour vous amener dans la frustration vibratoire. Vous avez de la vie, la frustration vibratoire. Vous êtes des vrais frustrés, tout à l'heure. Oh ouais, mais vous étiez pas dans la frustration vibratoire avant, vous étiez dans la frustration psychologique. Grosse différence. Oh. C'est ça, t'as le mot souffrant, le mot de la voiture. Pas nécessairement souffrant, mais souffrant. Quand je dis souffrant, j'envoie un mot. Ouais, la façon que toi tu vas réagir, puis qu'elle peut réagir ou qu'elle peut réagir, c'est deux façons différentes. Non, c'est pas drôle. Non. C'est pas drôle quand tu peux être créatif, puis tu sens que tu peux faire quelque chose, puis tu es bloqué, ou tu sens que tu peux faire une robe, puis tu n'es pas capable de la faire. C'est fatigant. Parce que sais-tu qu'est-ce que c'est le grand plaisir de l'ego dans la vie, c'est de créer. Sais-tu qu'un ego qui crée, c'est un ego heureux. Puis il dit qu'un ego qui crée est plus heureux que l'ego qui se repose. Parce que l'ego qui se repose a l'impression de partir en temps. C'est ça qu'on veut toujours bouger. C'est ça qu'on veut toujours bouger. Mais l'ego peut pas toujours créer. Parce qu'il faut qu'il se repose. C'est pour ça, moi, quand je me repose, je vais bien me reposer, mais dans une chaise, je suis pas capable. Parce que sur la chaise, je suis assez éveillé pour créer. Fait que ce que je vais faire, même coucher. Je prends une douche chaude, je me couche. Fait que si ça marche pas, ça, je dors. Un des deux. Quand je me lève, je fonctionne. Faut que je fasse quelque chose. Je suis prêt à rester ailleurs. Faut que je fasse quelque chose. Mettant ça à la pierre. Je l'ai fait quand je t'en veux, je m'ai brûlé. Ça, c'est parce que je t'avais fait. C'est pas lui qui t'a dit ce qui était pas. Ouais, c'était mon compte. Bernard, les migraines, c'est tout lié à la correspondance. Les migraines? Oui, les migraines. Il y a trois sortes de migraines. Il y a les migraines qui proviennent du fait que l'énergie de l'arbre est mal canalisée dans le mandat. Il y a les migraines qui sont liées à l'anxiété profonde de l'ego. Puis il y a des migraines qui sont le résultat d'un débalancement physiologique comme ça. Fait que c'est une des trois. Si t'es l'âme et l'ego, ça s'arrange. Si t'es l'anxiété, ça s'arrange. Si c'est le cerveau qui est défectueux, à ce moment-là, change de tête. Les gens qui sont psychiques, les gens qui deviennent conscients, qui sont conscientés, qui ont su jamais des migraines. Pas d'eux. C'est vrai. Un Gisèle qui m'a dit, on a eu des migraines. Ça, c'est eux autres. Ça, c'est bien souffrant. Les maux de tête. Pas seulement les migraines. C'est pas les maux de tête. Y en a-tu encore des maux de tête? Ça, c'est une religion. Ça, c'est l'ouverture de ça. Bernard, des, les brûlements ici, quand ça brûle ici, là. C'est un symptôme physique, l'activité. C'est une graine que j'ai, là, quand tu l'énerves ça. Une migraine, chez vous? Oui. Vos migraines, c'est lié à l'énergie? C'est lié à l'énergie. Ouais. Une coupe d'anneau. Encore une coupe d'anneau. Mais un coup qu'on se débarrasse de ça, ça en vient pas là. Non. Ça peut revenir de temps en temps, mais éventuellement, ça disparaît. C'est pour ça qu'il se regarde avec ce client en médecine. Non, il n'y a pas de cause physique. Il n'y a pas de cause physique. Là. Vous pouvez t'emmener la quête. Pendant qu'on parle de migraine, là, il y a une, ça, c'est bien intéressant. Il y a une sorte de souffrance, une sorte de souffrance que souffrent ou que doivent souffrir ceux qui se conscientisent ou ceux qui sont sensibles à l'énergie de l'âme. Pas nécessairement qui se conscientisent, mais les psychiques, les médiums souvent, sont des gens qui ont accès à l'immigrant. Ça, ça fait partie du fait que le pinéal. Le pinéal, quand l'énergie descend et qu'elle rentre par ce centre-là, le pinéal, c'est un centre tellement sensible. C'est comme s'il explose. Tu sais qu'il peut avoir ça, le pinéal? Tu peux avoir ça, le pinéal? Mais là, j'ai commencé quand tu as entendu ça explose. Ah, c'est comme l'énergie descend, là, c'est comme si ça explose. C'est comme un soleil qui envoie des... Ouais. Qui se dégage de trop d'énergie, ouais, ça fait des petites flammes, mais ça... Ouais. Puis si les centres plus bas, l'explosion n'est pas aussi grande. C'est pas aussi... C'est mon bon chakra. Ils ont le chakra. Mm-hmm. Ouais, ben c'est ça, le charbon, je voyais comme un charbon, tu sais qu'il... Quand j'ai vu la différence, comme un soleil qui... Ouais, c'est pas aussi intense, ces autres. Non. Non, puis on a ça dans la tête, cette patente-là. Que... Moi, c'est toujours ici. La région de la tête, vraiment en dessous. Il veut continuer sa frustration. La frustration chez les enfants. Les enfants sont beaucoup frustrés, mais ça ne parle pas. Fait que chez les enfants, souvent, la frustration, soit qu'elle reste en dedans, ou qu'elle se manifeste par des actes quelconques. Des actes qui sont pas toujours bien sains. Réaction. Il dit qu'avec nos enfants, on devrait être patient. Le remède, là, avec tes enfants, parce qu'ils sont trop jeunes. Puis, tu peux pas toujours leur organiser le cadran. C'est pas de leur faute. Il dit avec les enfants, parce que tous les êtres vivent la frustration. Avec les enfants, faut qu'on soit patient. Dans leurs activités qui sont un petit peu, jusqu'à un certain moment, là, puis quand c'est un petit peu trop, là, quand l'ego rentre trop dans les jeux, ben là, tu lâches. Parce qu'il faut en mettre quelque part la hache, mais c'est pas trop loin. Mais il faut être patient avec les enfants. Parce qu'il dit que la frustration chez les enfants, si on n'est pas patient, elle crée en lui de l'anxiété. Cette anxiété-là, éventuellement, elle devient comme un tableau de fond qui va servir plus tard à se déévaluer, à se diminuer. C'est bien délicat l'affaire de la frustration enfantine. Oui. Puis un enfant devra toujours s'évaluer. Même se surévaluer. Et pas se dévaluer. Plus tard, il va, ça va s'égaliser. Parce qu'il va mal partir dans la vie s'il... Parce que c'est, bon, c'est évident. Parce que là, il n'y a plus de colonne vertébrale. Il est en crainte, de l'anxiété. Il va se faire manger à l'une sur le dos. Les enfants, il faut qu'on soit très patient parce que les enfants frustrent comme les adultes. D'abord, ils n'ont pas le libre choix. Si tu peux pas aller au vieux, c'est pas dans ses poches, faut te mettre à papa. Fait que si le père dit non, parce que les enfants ont droit à avoir les enfants ont droit d'avoir ce qu'ils ont besoin pour balancer leur vibration comme les adultes. Le père, s'il veut fumer, son magasin à cigarette. Fait que le petit, lui, il fume pas. Mais il a son affaire. Peut-être que ça y prend des crayons rouges. C'est au pays d'acheter des crayons rouges. C'est pas gâter un enfant. Il y a une différence entre gâter un enfant pis donner ce qu'il a de besoin pour balancer ses vibrations. Puis on doit balancer les vibrations de nos enfants. Parce qu'ils sont pas capables de les balancer par eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir financier. C'est à nous autres de sentir. Sentir. Puis il dit une chose concernant l'argent. Il dit que les enfants devraient donner des petites scènes de temps en temps. Dépend. Ouais. Vous devriez leur donner des petites scènes pour dépenser. Qui fasse à leur goût. Qui manage leurs petites scènes à leur goût. On va pas le dire, tu vas pas le dire, tu vas mettre. Non, c'est de leurs affaires à eux autres. Personne ne te dit quoi faire avec ton argent, toi. Oui, enfant. Il dit qu'un enfant, c'est un petit adulte. Comprenez une fois pour toutes. Fait que donne-leur des petites scènes. Il y a la liberté de la dépenser. Si vous achetez des bonbons, que ça veut des bonbons. C'est un adulte. C'est subtil, cette affaire-là. Ça a l'air bien niaiseux, ce que je vous dis, c'est bien important pour nos enfants. Les enfants, c'est des petits adultes. Qu'on leur donne des petites scènes. Il y a des parents qui donnent des petites scènes à leurs enfants qui sont rendus à 25 ans. Le bien qu'ils leur en donnent, qu'ils se mettent aussi à la banque. Ouais. On connaît. Les femmes ont un chèque d'allocation familiale, là, une petite scène. Ah, il y a tout, parce que pour entre temps, ça n'arrête plus ça. Mais de ce point-là, ils le font, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est bien. Donnez à nos enfants des petites scènes. Pas tout leur dire, non. Pas tout les mettre sous notre autorité. Sous notre autorité. Sans ça, on empêche leur égo de se manifester, de se colorer, de prendre l'expérience. C'est là la frustration. Puis il dit que les enfants souffrent plus de frustration qu'on s'imagine. Plus qu'on s'imagine. Seulement, ça ne parle pas encore. Parce qu'ils ne comprennent pas la frustration et ils ne peuvent pas se l'expliquer à eux autres mêmes. Ils n'en souffrent pas psychologiquement, mais ils en souffrent émotivement. C'est des petits adultes, des enfants. Les enfants sont bien plus conscients que les adultes. Ils sont pas conscients. Non? Non. Ils comprennent bien des choses. Sans. Ils ne comprennent rien. L'enfant, ça ne comprend pas. Parce qu'ils n'ont pas d'expérience. L'ego pas développé. Mais ils sentent. Super. Ouais. Parlez de nos enfants. Les enfants, ils ont leur amour propre. Pis des familles là, qui ont tendance à passer les bottines de l'un à la bottine de l'autre. Faites attention, du moins que les bottines sont comme du monde. Mais quand tes bottines sont pleines de trous, là. Allez chez Yellow Show, puis en vendre des souliers pour 2,99$. Au moins, ils vont être neufs. Pour l'enfant, ils sont neufs, les bottines. Au moins, tu vas payer 2,99$ si t'as pas d'argent. Au moins, lui, il y a des bottines neuves. C'est tout de la psychologie! On n'a pas de psychologie! Aimer les enfants, elle dit, c'est les voir comme on voudra être, nous autres, dans leur âge. Avec ce qu'on sait. Ah oui. Comment est-ce qu'elle dit ça? Ouais. Les voir, qu'est-ce qu'elle dit? Comment ça marche? Comment on voulu être, nous autres, à leur âge. C'est ça. C'est ça, aimer un enfant. Les voir comme on voudra être, à leur âge, avec ce qu'on sait. Ça, c'est aimer un enfant. Il dit ça, c'est la définition 360 degrés de ménage. Fait que cassez-vous pas la tête avec l'amour des enfants pis la fête de l'amour. C'est tout aussi simple que ça. Parce que de ça découlent toutes vos actions, intelligence et motivation. Parce qu'il dit qu'un enfant qui est frustré trop longtemps, surtout s'il est frustré là, jusqu'à l'âge de 14, 15 ans, là, éventuellement, sa frustration va tourner contre ses parents. Parce que la frustration brime sa liberté, fait qu'il va aller chercher à l'extérieur. Puis il dit qu'un enfant qui n'est pas frustré, il grandit, puis il veut rester avec ses parents le plus longtemps possible, parce que c'est avec eux qui est le mieux. Parce que c'est avec eux qu'il peut communiquer le plus. Un enfant peut communiquer bien plus avec ses parents qu'avec des étrangers ou même des enfants étrangers si les parents sont intelligents. Si les enfants, et les parents sont sans même longueur d'onde, l'enfant va rester avec un vous, il se trouvera une blonde ou un chum, puis il partira, puis ça lui fera de la peine de partir. Est-ce que tu peux exiger d'un enfant de 13-14 ans, par exemple, de faire un petit travail quotidien, je veux dire, pour t'aider, sans lui donner, comme tu dis, des scènes pour le compenser? Ça dépend du caractère de l'enfant. Si l'enfant exige psychologiquement d'être rémunéré, il faut que tu le rémunères. S'il n'exige pas, à ce moment-là, le problème n'existe pas. Mais s'il exige, d'une façon ou d'une autre, d'être rémunéré, tu dois le rémunérer. Parce qu'on ne travaille pas pour rien. Mais est-ce que tu dois l'obliger à faire le travail ou lui dire tout simplement si ça te tente, tu vas ça aussi? Si ça te tente, tu vas l'amener plus à faire le travail que si tu l'obliges. Faut que tu sois poli envers lui, tu donnes le respect de ta demande. Parce que rendu à 14 ans, un enfant, c'est un enfant. C'est un petit homme qui se connaît pas encore. Parce qu'un enfant, c'est un commis voyageur. Puis il y a bien des enfants qui sont traités comme des commis voyageurs. Va me chercher une bouteille de lait, va me chercher une petite. Puis quand t'apprends quoi que c'est les trocs, la première chose qui se fait dire, va chercher une bouteille de lait. Tu viens de briser ta vibration, petit gars. Tu le frustres. Puis après ça, on choque si c'est lui, il n'y a pas de bonne mère. Quand vous êtes dans le lit, vous autres, vous demandez aux enfants de cogner à la porte avant de rentrer. Mais vous ne faites pas l'over. Ah ouais, là. Moi, je sais bien, moi, je vous parle de ma propre expérience avec ma fille, puis quand j'y manque, moi, j'ai un bug pas trop. Ma femme, elle va s'y bugger. Mais ma femme, elle va dire, elle va lui demander, elle respecte sa personnalité. C'est ça qu'elle a fait, respecter la... Si je sens trop son ego, là, trop, parce que ma fille est égoïste là-dessus, c'est un taureau. Ben, c'est pas généreux. S'il n'y a pas trop avenant envers ma femme, à ce moment, à un certain moment, je vais faire ce que vous voulez voir. Parce que le tempérament, faut que ça soit formé. C'est comme, le tempérament, puis le caractère, c'est comme une fleur. Puis, faut que ça s'épanouisse. Si ça s'épanouit pas, à ce moment-là, c'est pour rien. Mm-hmm. Fait que c'est si tu dis qu'avec moi, ben, tu sais, le bonhomme. Le bonhomme. Mais, j'y demande. Je l'appelle Tétine dans ce temps-là. Tu sais pas, Christine, je dis Tétine. Parce que tu l'entretiens, ça revient à papa. Là, je suis là son niveau. Là, il va. Fait que j'en frustre pas. Les enfants souffrent énormément de frustration. Énormément. C'est intéressant, la frustration. La frustration, oui. Bien intéressant, la frustration. Dégueulasse. Stress unique. Si les parents sont trop bien, tu sais, des bons parents, tu sais, la vieille génération des principes, des bons parents, souvent, les enfants vont être frustrés. Parce que les enfants vont avoir été éduqués d'une façon tellement bien, tellement correcte, tellement gentille, qu'à un certain moment, ils auront la crainte d'agir. C'est subtil, la frustration. Des parents. Bien subtil, la frustration. Fait que c'est pas. C'est bien subtil, la frustration. Comment ça y est, ça, la Il dit qu'un enfant, il faut que ça soit amené rapidement à se reconnaître. À se mesurer. À se reconnaître. Rapidement. Puis pour qu'il soit amené à se reconnaître et à se mesurer, il faut qu'il soit donné constamment des outils. L'outil sert simplement à faire descendre une vibration qui l'amène à se reconnaître. Si tu enlèves l'outil, cette vibration-là descend pas. Comme ma petite, moi, elle aime bien ça, des crayons de couleur, elle en a 56 000. Je pourrais bien rationaliser, puis dire, Tétine, t'en as 56 000 crayons de couleur. Elle va dire, papa, je l'aime, celui-là. Mais je suis dans le crayon de couleur. C'est subtil, hein? Fait que moi, quand ça m'arrivait, parce que, t'sais, t'es un enfant, quand t'es contacté, t'as pas l'expérience de l'enfant. Oh, t'es cool, finalement. J'arrivais à aller au magasin, elle me disait, papa, elle me disait, j'aimerais ça l'avoir habillé rose. Je disais à Juju, qu'est-ce qui se passe? Elle avait un autre crayon de couleur. Il dit, tiens, ça coûtait 15 cents. 15 cents! Tu lui fais se sentir. Tu lui dis, ça m'a dit crayon de couleur. Elle achetait un crayon de couleur. Elle se sentait importante. Elle sentait que si elle demande quelque chose, elle a une réponse. Mm. Puis c'était bien intelligent, l'enfant, tu sais. Les enfants sont pas aussi, manquent pas autant d'intelligence qu'on pense. À un certain moment, ils ont pas de sens de valeur. Fait que là, tu es obligé de leur expliquer, tu sais, que papa, il y a pas d'argent pour t'acheter ça, tout de suite. Peut-être, tout à l'heure. Mais d'un petit chose. Éventuellement, ils disent, ah, mais si t'as pas d'argent, papa, je vais te prêter à la mienne, tu sais. T'as 2 piastres, pour faire ça. Ah, tu achètes pas d'extérieur. Elle va t'aider avec son 2 piastres, t'achètes un piano, tu sais. C'est ça paye même pas, fini. Mais, dans son esprit, c'est ça. Attends. Mm-hmm. Ça paye même pas, fini. C'est faire la chine. Ça paye même pas, non. C'est toute la vie. Puis un enfant qui, dans lequel on diminue la frustration quand il est petit, là, quand il arrive à l'âge de la puberté, là, il commence à découvrir sa sexualité normalement. Normalement. Puis là, il est prêt à rentrer dans la vie. Parce qu'un enfant est prêt à rentrer dans la vie à 14 ans. Dans ce bout-là. Mais s'il est frustré, là, quand il arrive à la puberté, là, il est tout mélangé. Parce que c'est une vibration en frustration. Puis quand il est petit, pour lui, c'est une vibration, puis c'est pas interprété psychologiquement encore, c'est plus tard.